dimanche soir, le rendez-vous est pris avec DJ Case. Comment ça va, Case? Incontournable. Incontournable, DJ Case, de retour avec nous pour une heure de mix inédite. Ouais. On s'éclate. Et pendant une heure, on va s'ambiancer sur les tables. Ouais. On va s'ambiancer, comme d'hab. Et ouais. Tu sais déjà ce que tu vas passer. Il y aura des nouveautés. Là, je vais improviser. Il y aura de tout. Il y a de la nouveauté. On nous a demandé beaucoup le nouveau Rizza que tu as passé la semaine dernière. Bien sûr. Bah, tiens, je vais commencer avec ça d'ailleurs. Là, c'est Dai, c'est le nouveau titre. Il est sur iTunes. Rizza, voilà. Donc, big up à lui. Et le titre, il pète tout. Et ben, on y va. Coup d'envoi sur Rai Suprême. C'est parti. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. DJ Case. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rai Suprême en direct sur Skyrock. Car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse dans ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse dans ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange, j'aille. Mec, regarde ta go. Depuis tout à l'heure, elle fait que me fixer. Oh la quétale, ça la mélo. J'veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre et ban, classico. Je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et j'mange aïe. Là c'est dingue. J'fais mes bye. Vas-y, wine. Et j'mange aïe. Là c'est dingue. J'fais mes bye. Vas-y, wine. Là c'est ce soir je traîne en gamos, je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss, je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je mange c'est Rai Suprême Skyrock. Oh! Yeah. m'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jack Mel pour m'exciter. Roue arrière, y'a pas de train, je frappe dans la cité. Ça prend du shit en amène, et l'année. Toi tu fais ma courine, tu peux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'as envie d'idée. Au pire, j'mets un masque sous le casque AGV. C'est tout la LON en direct à Pointa. C'est pour les frangins qui mettent en ilangin. Normal pour les anciens. Pour ces anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délits de pute, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines. Des pommettes à nuit. Et j'gamberge. J'fume plus, j'oublie. Survête en boîte, normal. C'est comme pute à bol, normal. C'est pas la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. 34% de normal. J'cache ta plaque, normal. Faire de haut, normal. En 504, normal. À gauche, s'acheta. À droite, s'acheta. Oh, s'acheta, c'est ça. Shake body. Hallelujah, eh. They hold me for ransom, cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't hold me for ransom, cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. j'ai la ceinture élevée. On a le sang chaud, Algérie en danger. Oriental Dream 2015 de l'Alger. Ce soir c'est Kabale Kabale, Travel Baro de l'Carabina. Je fais danser les Samira, Khadou, j'ai même Katarina. Eywa, Yaz dans la poche, on est là. Mon son tourne dans les caisses et dans les boîtes. Je suis dans mon bolide.

soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. ويا اللي فلسوني حبس لي دموع عيني يا وراني مستني وقتاش تهز علي يا اللي فلسوني حبس لي دموع عيني يا وراني مستني وقتاش ترفد علي نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم hey! نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم sur Skyrock. Où vous êtes tous invités. T'as entendu parler de cette soirée, frère? Oh, ça va être trop lourd. La vie de ma mère, si j'y vais, moi, je pue la merde. Et photo, je vais mettre la chemise Gucci, le jean Gucci, les chaussures Gucci, le slip Léo Boldo, petit parfum, petite voiture de luxe. Ça va péter sa mère, ouais. Bonsoir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Protégez-vous, y'a qu'un pas du coup de foudre à l'hépatite. Tiens ta petite, puis quand tu vois que dit au distributeur, tu sais même pas combien tu retires. La musique m'attire, cortège à la poutine, dip et ice dans la limousine, tu vois ce que je veux dire. On a rangé les parabellums, elles veulent un bel homme. Elles peuvent compter sur Ice, la cambrure de Maloca n'est pas dans les normes. Son boulet est énorme, il t'a figé sur place. Perroquet sous cocaine, girafe dans la piscine. C'est le projet Ice Space Cake dans la cuisine. Une vie de SLR, on se rit, on se pleure, on se vit, on se meurt en tirant l'air au Uzi. Elle est prête à twerker toute la. J'ai la folie des grandeurs, je suis VIP. Je suis fou de ces rondeurs, je la pose au champagne. Je mets le fire sur la gasoline à papy, ce soir qui sortira plus de bouteilles. Je m'exprime comme un regard en dilon. Je me demande ce que tu fous dans ma soirée. Fais la belle, moi j'ai le bras assez long pour gifler tes fesses depuis mon carré. Une étrange mélodie me vient dans ma tête et j'ai rêvé m'arrêter de danser mon micro. J'en oublie mes blessures. Ma présence te rassure, bien sûr, j'assure. J'suis sur la côte en paix, t'assure. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. J'attends pas que le bonheur me fascine. Mon parcours les fascine. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. Et j'ai jamais raté ma cible. Bitch, triangle d'assassin. C'est Rail Suprême. Sur Skyrock. Suprême le dimanche soir avec DJ Kayz et vous aussi avec vos messages sur le hashtag Rail Suprême sur Skyrock. Il y a des messages, hein, Kayz, ça défile. Hein. Bien, ouais, je vois ça, les hashtags et tout. Ils sont vraiment, vraiment réactifs et ils ont l'air de kiffer l'émission. Et d'ailleurs, on va leur, on va les dédicacer. Il y a Leila01 qui veut se marier avec Ritza. Bah, la demande est passée. Voilà. Elia qui kiffe la musique à Gad Elmaleh. Il y a Karim, la nouvelle, hein, Gad Elmaleh, ouais, qu'on a mis. Karim DZZ qui dit que Rail Suprême lui fait bouger ses fesses toute seule. Non, je te disais, t'as reçu un message, ça doit être Ritza qui dit oui, allez, là, peut-être. C'est ça, ouais, voilà, il m'a dit envoie son numéro. C'est ça. Donc, manifeste-toi, Leila, il n'y a pas de problème. Hello Catch, il y a Essova, aka Valentin, 17344. C'est technique. Ouais, c'est. Camille WZK qui dit que le dimanche soir Rail Suprême, c'est quand même la base. C'est la base. Avec effectivement. DJ Kayz au platine. On est reparti ou tu vas annoncer quelques dates ouais, où on peut te retrouver, Kayz, ouais, cette semaine? Ouais, ce week-end. Alors, je suis vendredi 9 octobre du côté de Dijon. C'est au Monte Cristo. Et samedi 10 octobre, on va aller voir nos amis lyonnais. Donc, le retour DJ Kayz à Lyon. Et c'est au Night Club que ça se passe. Nouveau club qu'il faut découvrir. Voilà, qu'il faut découvrir. Tendance du moment. Du côté de Lyon, et là on est reparti pour une nouvelle session, c'est parti. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Au micro, je mets des queues là, non, il faut pas t'écras. Même ta copine avoue que j'ai trop la secla. Pour les arrivants qui vont bouffer la melga, je suis dans l'espace, t'es dans le passé comme Zelda. Doucement, l'alcool, ma cousine, il faut pas l'être gars. L'inspi, c'est Jigma, quand je sors ma quête bas. Je téléphone à Willow si tu veux manger une clé de bras. Quand tu découpes des meufs, y'en a qui découpent des quêtes plats. Wesh, mon ami, qu'est-ce t'as 9K, tu s'en testes pas. Il faut rester soi-même, pourquoi tu fais gangsta? Moro, c'est danger, sa vie crave descendre. Pour s'en sortir et pour trouver à manger. Comment je leur fais du mal, poteau, c'est abusé, je suis là pour faire du sale, pas là pour m'amuser. Trop de potos ont fini sur le banc des accusés. Je veux péter le milli, j'espère que t'es avisé. Des projets partent en fumée quand tu t'es fait lever. Ça devient un cauchemar, man, il faut pas rêver. Masta, c'est ta peu fra comme celle de Snoop Dogg. Dis-moi pourquoi tu baves, pourquoi tu fais le bulldog. Ok, amigo, je connais trop d'oké. La fumette, ça rend fou, il faut pas trop se moquer. Wesh, ma putain de Kaira, lève ta bécane en i. Pour ceux qui étudient et pour tous mes bandits. Dis-moi, Allah, il faut pas nous haïen. Dis-moi, Psartek, si un jour tu me vois en Cayenne. Ça va péter, Polio,

marocaine, beauté marocaine, oh, beauté marocaine, beauté marocaine, beauté au naturel. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Réviser pour leur bug bug brevet. Pour ceux qui j'tardent du raga sur le mia, dans ma mette à rabat jusqu'à un marnia. J'fais bouger le boule de ta sœur pendant que les condés me mettent des coups de taser. Bla bla bla. J'me la raconte jamais, chez nous y'a pas de ça. Celui qui joue la resta, on le va de ça. On va au charbon tous les jours pour les yébis. T'as cru que t'allais michonner qui, baby? Comment ce deuxième couplet, je suis venu pour des couplets. Monsieur l'agent, si vous m'écoutez, coûtez, allez vous faire foot, s'il vous plaît. Vroom vroom vroom vroom vroom, schéma. Un petit pont à la concurrence et schéma. Je te fais un tacle à la gorge comme un Vidal. Guys numéro 1 des DJ de la capitale. Fais péter le champagne, ouais, fais péter les bastos. Tu rouleras pas en gamme, on s'en joue en les cassos. Le RAP ça paye pas, bientôt je me vesqui. Je m'arrache en Thaïlande, en jet ski.

nouveau son. Nouveau disque Skyrock. Là c'est dingue. Là c'est dingue. C'est la crise, oh là là là. Ça va vite, oh là là là. Hey la mise, oh là là là. French kiss, oh là là là. J'ai trop de vis, oh là là là. J'fais la diff, oh là là là. Numéro 10, oh là là là. Ah tu m'kiffes, oh là là là. Et ça parle dans mon dos comme s'ils étaient en train de masser. Mec regarde ta go. Depuis tout à l'heure elle fait que me fixer. Oh la quétal, ça la mélo. J'veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre bonne classico. Je ne joue pas pourtant t'es bluffé. Et j'mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, aïe, aïe. J'fais mes bye, bye, bye. Vas-y wine, wine, wine. Et j'mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, aïe, aïe. J'fais mes bye, bye, bye. Vas-y wine, wine, wine. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Ce soir je traîne en gamos. Je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos. Je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss. Je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue. C'est déjà la fin de ce Rail Suprême, Case. Ouais, c'est passé vite. Fini, c'est passé vite. C'est tu vas repartir en tournée dans toute bien la France. Bien sûr, ouais, on repart. Dijon, Lyon, voilà, qui arrive. Ça. Vendredi, je suis à Dijon, Monte Cristo, et samedi à Lyon, au Night Club. Et voilà, bah, merci à tout le monde d'avoir fait péter les hashtags Rail Suprême et d'avoir été là. Bon, bah, on a fait une super émission. Moi, je suis super content. Et bah, moi aussi, comme d'hab. De, d'être à dimanche prochain. Et bah, dimanche prochain, on se retrouve. Merci, Case. Merci à vous merci tous. Merci à vous. Les messages avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock et passez une bonne nuit. On est reparti avec du son de Skyrock. Ciao. Rap et R&B. Non-stop.